En Corée, les scientifiques de l'Institut des nanotechniques agricoles du Centre de recherche agronomique ont mis au point les produits de nanotechniques à usage de l'agriculture à grand effet dans la production et les introduisent au maximum dans les fermes. Le nano-accélérateur de croissance biologique émet les ondes électromagnétiques des fréquences exceptionnelles sous l'effet de l'énergie solaire pour transformer la nature de l'eau. Il pourra rehausser considérablement le rendement par hectare dans la riziculture. Le nano-engrais de silicium est un mélange des nanomatières absorbant l'infrarouge lointain et du nano-silicium. Le nouvel engrais est plus efficace que le précédent et permet d'élever la résistance aux maladies et insectes et la capacité de photosynthèse pour augmenter le rendement. Il empêche également l'absorption excessive de la base dans la production du riz dans les polders, ainsi que la transpiration, de sorte qu'il est efficace pour la culture à économie d'eau. Le nanoproduit renforcé de photosynthèse permet d'élever le taux d'usage de l'énergie solaire pour intensifier la photosynthèse des plantes agricoles et l'activité de l'azote en faveur de l'accroissement du rendement rizicole.